and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir cette semaine encore dans Music and the City sur Fadjet. Nous allons passer la prochaine demi-heure ensemble avec des titres choisis par mes blancs chemins. 5 artistes pour 5 titres. Et cette semaine, j'ai décidé d'une programmation atypique, car aucun titre ne se ressemble ou ne s'assemble à un autre. Des artistes somme toute différents pour une émission édulcorée. Avec pour débuter Isa Ferrer, je vous l'ai promis la semaine dernière. Si la jeune femme prépare actuellement son 6e album, avec un premier extrait qui sera disponible très bientôt, normalement au printemps, c'est surtout avec son titre Hands Up, issu d'Ultra Ferrer, son 4e album, que nous allons débuter cette émission. Un véritable cri de guerre sur fond de musique électronique qui pousse un coup de gueule d'une génération je m'en foutiste. C'est Music and the City, on est en direct jusqu'à 20h. Bonne écoute avec Isa Ferrer. Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. Plutôt que de faire un focus sur l'artiste qui va suivre, je vais m'attarder davantage sur le titre en lui-même. Puisqu'il est envoûtant, sensuel, mélodieux, et surtout qu'il était en tête des charts sur toute l'année 2014. c'est Habits, plutôt, en l'anglaise, de Tove Lo. Et c'est un titre complètement innovant avec une sonorité simpliste et efficace. Si on retient en priorité sa mélodie, on ne peut que saluer et surtout l'excellent clip vidéo y montrant une jeune femme multipliant les soirées arrosées pour tenter de dissimuler un mal-être évident. C'est une chanson qui peut parler à chacun d'entre nous, on a tous connu ces moments de difficulté. Le bien, le mal, l'envie, la colère. Un petit condensé de péchés capitaux envoûtants qu'on va se faire un petit plaisir de consommer sans modération et sans rechigner sur Fadjet. Oh, Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. L'artiste qui suit est sans doute l'une des chanteuses les plus influentes de toute une génération dont je fais partie. À son arrivée timide en 1989 avec la chanson « Dans ses grands yeux verts », on aurait bien eu du mal de penser qu'Hélène Rollès deviendrait la coqueluche de millions de Français quelques années plus tard. Une chanteuse que j'ai adulée toute mon enfance et que j'ai continué timidement de suivre malgré une absence médiatique tout au long de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte. Aujourd'hui, Hélène est la star de la série à succès « Les mystères de l'amour » sur TMC et poursuit une carrière musicale, notamment en Chine, où là-bas elle est relayée au véritable rang d'idole. En 2012, l'artiste a proposé un album entièrement écrit et composé par ses propres soins. Un disque où l'artiste a dévoilé son cœur au public, avec des thématiques comme l'écologie, l'injustice des politiques et l'amour, toujours l'amour. Et dans cet album, un titre a particulièrement attiré mon attention. « Sur mon étoile » traite du recul de la mondialisation au profit de l'humanité et de la protection de la nature. Un texte sublime, une chanson inédite à la radio. Et c'est mon coup de cœur de cette semaine que je me devais de partager avec vous. Ça se passe en général quand tout est égal, quand tu n'as plus d'envie. Moi, c'est comme ça que je suis partie pour un voyage sans escale sur mon étoile. En arrivant, j'ai pensé qu'elle serait surprise, mais elle m'attendait plutôt. Alors en silence et doucement je me suis assise presque tout en haut, les pieds dans le vide, le cœur un peu timide. J'ai trouvé pourtant normal d'être sur mon étoile et j'ai contemplé le monde pour la première fois et suis restée sans voix. Suspension dans l'espace, la terre est à tomber d'amour. Elle est à laisser tourner toujours. C'est l'univers qui t'embrasse, je crois que je vais laisser passer un jour. Et la regarder tourner juste un tour. Pour trouver au milieu des forêts et des rivières la force de l'espoir. Moi, c'est pour ça que je suis partie pour un voyage sans escale de mon étoile. On aimerait bien rester un peu plus longtemps encore, mais on est là de passage. Juste le temps de comprendre, de trouver le nord, d'apprendre à être sage. Les pieds sur la terre. parce que rien ne le remplace. Le monde est à pleurer d'amour. Il est à laisser tourner toujours. Et ton étoile dans l'espace t'en verra sur la terre un jour. Music and the City sur Fadjet. On ne présente plus Calogero. Non, je ne vais pas vous faire toute une bio sur Calogero. Non. Artiste connu, reconnu de la profession et du public, notamment trois victoires de la musique dans les années 2000, faut le souligner. L'artiste ne cesse de cumuler les succès depuis presque 20 ans. Des succès qu'il a connus également dans les années 90, bien avant sa carrière solo, et ça c'était avec le groupe Les Charts. Qui s'en souvient ? Pas grand monde. Bon, il a été vite repéré par des artistes comme Zazie ou Pascal Obispo à la fin des années 90, qui vont lui écrire et composer bon nombre de titres. C'est en 2002, avec l'album éponyme Calogero, son second en solo d'ailleurs, qu'il va connaître une renommée nationale. Plus d'un million de ventes pour ce disque qui renferme les tubes aussi libres que moi, prendre racine ou encore l'excellent inoubliable en apesanteur. Le clip vidéo accompagnant ce morceau montre un Calogero tout jeune et tout mignon, ouais, intimidé par les jeux de l'amour dans un ascenseur, en compagnie de l'actrice Mélanie Doutet. Un moment phare de la culture musicale française. Et oui, finalement j'avais dit que je ne voudrais pas de biographie, j'en ai quand même fait une mini. Bon, c'est comme ça, écoutez, je ne peux pas m'en empêcher, voilà. Alors en apesanteur de Calogero, tout de suite dans Music and the City. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. Ah, en apesanteur. Ah, pourvu que les secondes soient des heures. Ascenseur. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Ascenseur en apesanteur. qu'on soit le seul dans cet ascenseur. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Je vais vous apprendre un scoop. Nous sommes en 2018. Incroyable, n'est-ce pas ? Bon, l'occasion justement de regarder un petit peu en arrière et de remonter dans les années 90. Car actuellement, je pense que vous vous en êtes rendu compte, la mode est aux revivals. Non, je ne vais pas vous parler de Stranger Things, non. Je vais vous parler de musique, puisque les tournées Star 80 ou même années 90 prouvent que le public est très nostalgique de ces années-là. Ce qui permet parfois de déterrer quelques pépites qui avaient cartonné à l'époque mais qu'on a un petit peu oubliées. Alors vous inquiétez pas, hein, j'ai bien sorti mon chiffon dépoussiérant et je vous ai retrouvé un tube du grenier comme on n'en fait plus. Si je vous dis Brandy et Monica, vous me répondrez « The Boy Is Mine ». Tout droit venu de 1998 et en exclusivité pour Fadjet, si c'est pas un honneur ça quand même. Can't see how we could wanna chase on. Music and the City sur Fadjet. Brandy et Monica avec The Boy Is Mine pour terminer Music and the City de cette semaine. Du revival, tiens justement, si on en parlait la semaine prochaine. Allez, petit cadeau pour vous. La semaine prochaine, nous ferons une émission thématique spéciale années 80-90 avec notamment que et uniquement que des tubes AB Productions pour rendre un grand hommage à Madame Dorothée et toute la clique du Club Dorothée qu'on a tant apprécié étant gamin. C'est l'occasion. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast, bien évidemment, sur le Facebook de l'émission Fadjet-Music and the City grâce à la plateforme Mixcloud. Alors surtout, profitez-en. Et on peut également retrouver le samedi à 18h30 la rediffusion. Ah, je me mélange un peu les pinceaux. Je suis tellement content de vous annoncer cette émission spéciale Dorothée la semaine prochaine. Ça m'en coupe la chic, dis donc. En attendant, tous les premiers jeudis de chaque mois, vous avez toujours la team VHS qui propose Génération VHS. Et ce sera justement très prochainement. Donc ne loupez pas ça. Bah, d'ailleurs, c'était la semaine dernière. Je suis un peu perdu, vous voyez. Je suis complètement perdu. Mais ça, c'est de ma faute. Ouais. Passez une très bonne soirée. En tout cas, merci de votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.